Bonjour et bienvenue sur les podcasts Outsider, donc un nouveau podcast game design, toujours en solo, hein, voilà, je suis à la maison tranquille avec mon micro Bluetooth, mon bébé, donc ça va être un podcast où on va changer des couches, on va faire la vaisselle, le ménage, tout ça, et puis on va aussi causer de jeux de rôle parce que c'est ce qui nous anime, bébé et moi, voilà, c'est ce qui nous fait vibrer. Alors aujourd'hui, un petit podcast, voilà, je pense d'une heure à peu près, sur l'œuvre de commande et éventuellement en comparaison avec l'œuvre d'auteur, donc en jeu de rôle, quoi. Alors, par exemple, il y a Johan Scipion, pour parler de son jeu de rôle sombre, il parle d'un jeu d'auteur, quoi. Dans le sens où non seulement il prend toutes les décisions, en fait, de game design pour son jeu, mais surtout, il assume de faire, on va dire, un travail personnel. Et donc, il cherche pas forcément à suivre un zeitgeist ou une commande du public. Il est même, par exemple, dans sa définition du jeu d'horreur, il explique que la plupart des rôlistes font pas ce qu'il appelle du jeu d'horreur. Ils font du jeu d'aventure horrifique, par exemple, et tout. Donc on a presque envie de penser que pour lui, en fait, la façon dont le jeu de rôle d'horreur qu'il propose n'existe pas, et comme il n'existe pas, il n'a pas pu être demandé, en fait, par un public, quoi, hein, puisqu'il propose une formule, on va dire, plus radicale, qu'à l'ordinaire, quoi. On va renvoyer aussi, parce que vous savez que j'aime bien vous faire bouffer de la biblio, j'aime bien vous faire bouffer du podcast. C'est bon, mangez-en. Donc, il y a le podcast de la cellule sur l'œuvre et le produit. Il y a aussi un article de Fabien Ilvine, bah, toujours sur l'œuvre et le produit, hein, sur son blog, L'Alcyon. Voilà, alors c'est super. Alors, on va tenter un truc absolument dingue, hein, dans ce podcast, c'est-à-dire que je vais changer un bébé en ayant mon plan sous les yeux, donc je sais de faire les deux en même temps, ça va être hardcore. Alors, peut-être une chose que je voudrais éviter, c'est de faire un podcast en fait clivage sur les jeux de rôle édités versus les jeux de rôle indépendants. Parce qu'on va voir que les choses sont beaucoup plus nuancées que ça. Peut-être que on peut être un indé et puis faire une œuvre de commande et être édité et faire une œuvre d'auteur. Par exemple, l'exemple qui me vient en tête, c'est le jeu de rôle Tenga, hein, de Jérôme Larrey, donc publié aux éditions John Doe, qui, à mon avis, transpire le jeu d'auteur par tous les pores, quoi. D'ailleurs, dans sa réponse aux entretiens avec Corey David, là, Jérôme Larrey, il dit, voilà, le Grum fait moi, donc le Grum c'est un auteur de sa génération, ils ont en commun qu'ils ont bossé en fait pour plein d'éditeurs différents, quoi. Et il dit, le Grum fait moi, on se considère comme farouchement indépendant. Bon, il évite de développer exactement ce qu'il entend par farouchement indépendant, quoi. Peut-être que ça vient que ces deux, on va dire, deux auteurs qui venaient au départ du JDR amateur, qui ont commencé par faire des trucs dans leur coin, effectivement, bah, pour le coup, c'était de l'indépendance, quoi. Et puis, au bout d'un moment, ils ont bossé avec des éditeurs. Bon, Le Grum, c'est particulier parce que il est éditeur en même temps, quoi. Donc, mais même en étant éditeur, il a continué à faire des offres de commandes pour d'autres éditeurs. Par exemple, il me semble qu'il publie un scénario pour Dragon, hein. Donc Mon Dragon, c'est une version de DD5 qui va être édité par Agathe, et donc dans les paliers, il y avait un scénario du Grumph. Alors bon, vous voyez, le Grumph, on se dit, ouais, il fait quand même vachement de trucs de son côté en indépendant, que ce soit sur Lulu ou bon bah sur John Doe, mais bon, comme il fait partie des éditeurs, c'est de l'auto-édition, on va dire, quoi, hein. Mais bon, il continue à faire ce que j'appelle du mercenariat. Voilà, il me semble que bon, pareil, quand tu fais un scénario sur Casus Belli, sur JDR Mag, ou même d'ailleurs sur un zine gratos, quoi, à quel point t'es pas en train de faire une œuvre de commande, quoi. Alors on peut se dire, ouais, mais ça se trouve ton scénario il était déjà prêt, et juste tu vas voir le magazine, hey, les gens, j'ai un scénario, je vais le mettre chez vous plutôt que de le sortir de mon côté dans un recueil. Comme ça, bah, ça fait de la com, enfin, entre guillemets, ça fait de la bonne com à la fois pour le magazine. Bah oui, Victor, mais c'est tout trempé, ça. Ok. Et puis ça fait de la bonne com pour moi, hein. C'est quelque chose que je fais assez souvent personnellement, avec mes scénarios pour Mille Voix Sombres, hein. C'est-à-dire qu'il y avait deux scénarios dans le supplément Milvaux Sombres, et puis tous les scénarios que j'ai finalisés après, je les ai confiés à des magazines, parce que du coup, eh ben, ça permettait de faire connaître un peu le supplément, quoi, hein, tout simplement. Hein, et puis, à la rigueur, c'est ce qui m'arrangeait aussi, c'est que moi, je leur filais un scénario en texte brut, quoi. Et puis eux, bah, ils se farcissent quand même le maquettage, l'illustration, donc je gagne du temps. Et quelque part, bon, je suis pas quelqu'un de super attaché au côté illustration, alors pourtant même que je fais des photomontages, tout ça, mais bon, voilà, l'illustration, moi quand je lis un jeu de rôle, je sais pas si j'ai besoin, je suis pas sûr d'avoir besoin d'avoir les illustrations pour voyager, tout ça. Si le jeu de rôle au niveau littéraire il porte bien, voilà l'évocation je vais l'avoir sans avoir les illus. Hein. Après tout, quand tu lis, enfin je veux dire, il y a des romans qui t'envoient un milliard d'images dans la tête et qui n'ont aucune illustration, quoi. Hein. C'est un truc qui a disparu des romans après Jules Verne, quoi, hein, les romans illustrés. Hein. Alors pourquoi on continue à faire en JDR? Bon, si on stop, je commence à partir dans un gros hors-sujet. Alors, œuvre de commande en jeu de rôle, on va parler évidemment de jeux entiers. Là, on a parlé de scénario, ça peut être des aides de jeu, ça peut être des personnages. Par exemple, il y a pas mal d'éditeurs qui vont, ils sortent un jeu et en fait, quand ils font la souscription, tu peux mettre des brousoufs pour proposer un PNJ en fait. Donc bah voilà, j'ai donné, je sais pas, 30 euros, et du coup, je commande qu'il y aura une page consacrée à un PNJ que j'ai imaginé, donc j'envoie un synopsis à l'éditeur, bah ouais, genre mon PNJ, c'est une nonne infirmière ninja nécromante, et en fait, l'éditeur, il va contacter des auteurs, puis leur dire, dis donc, tu veux pas vomir du signe, là, j'ai 50 synopsis de PNJ qu'il faudrait mettre en forme. Et puis voilà, puis du coup il y a un auteur qui va être payé pour que le là en fait bah, pour faire une page de une page de description de la nonne infirmière nécromante ninja. Bon, ce que je trouve quand même un personnage uber cool quoi, je trouve qu'il en faudrait beaucoup plus dans les jeux de rôle, ça manque. Voilà. Et en fait, l'œuvre écrire des PNJ, écrire des aides de jeu, tu peux écrire du contexte, hein. Tu peux écrire de la mécanique, hein. Ça arrive souvent, hein. Des jeux, bah, si je prends Weavin, le contexte, et puis je pense la bonne partie des conseils de maîtrise, c'est Benoît Atinost. Hein. Et puis, bah, en fait, ils sont allés chercher Jérôme Larrey pour faire la mécanique. L'œuvre de commande, en fait, l'auteur, il peut l'avoir, l'auteur ou l'autrice, hein. Vous m'arrêtez, hein, si je dis. C'est vrai que j'ai tendance à dire toujours auteur, bah, parce que l'auteur est une autrice comme les autres. Hein. Oui, autre type d'auteur, hein, évidemment, on les oublie souvent. Je vais renvoyer d'ailleurs à. Il y avait. Une intervention au colloque des 40 ans du JDR de Anne-Claire Davoust. Alors Anne, si j'ai écorché ton deuxième prénom, je m'excuse platement, je mangerai la couche sale de Victor, c'est promis, en rédemption, quoi. Alors, en fait, elle essaye de définir les différents types d'auteurs, quoi. Et en fait, il y en a plein de sortes, les auteurs de base. Hein. Il y a les contributeurs, les relecteurs, les illustrateurs, les maquettistes, ceux qui composent les bandes son. Donc voilà, hein, ça s'arrête pas uniquement au gars ou à la fille qui vomit du cygne dans sa cave. Hein. Et donc, la commande, ça peut être. Soit tout seul sur un jeu, ou ça peut être en fait tu fais partie d'une équipe qui est bah voilà qui est commanditée par l'éditeur quoi. Et en fait quelque part on a donc du coup déjà une petite opposition travail en coopération contre travail solitaire. Bon après on peut se dire ouais bah je peux faire une œuvre d'auteur et puis travailler en coopération parce que par exemple je vais payer des gars pour faire des playsets. Hein, moi j'ai écrit mon jeu, mettons par exemple un propulsé par l'apocalypse, et puis je fais une souscription pour le financer. Et puis je dis, bah, en palier, vous avez un tel qui va écrire soit un nouveau playbook de personnage, soit il va écrire un contexte de jeu, tout ça. Comme ça, vous allez en fait la plus-value, c'est que vous aurez la vision d'un autre auteur qui va un petit peu augmenter mon jeu, quoi. Globalement, le cœur du jeu, c'est moi, parce que voilà, j'ai fait les playbooks principaux, j'ai fait le contexte principal, quoi. Donc clairement, je suis pas en train de. Moi, j'ai pas à galvauder en fait mon boulot en tant qu'auteur, mais je. Et là, c'est ça qui est marrant, parce que dans ces cas-là, finalement, ceux qui font les offres de commande, c'est les auteurs que tu payes ben, pour compléter ton œuvre d'auteur, quoi. Donc c'est vachement difficile de dire si tu prends un jeu dans sa globalité. Eh ben, quelque part, il y a des participantes qui font une œuvre d'auteur, puis il y a des participantes qui font une œuvre de commande, quoi. J'avais noté travail solitaire en équipe. Ouais, c'est-à-dire que là, je suis en train de vous parler en équipe, c'est beau, c'est une belle coordination, tout ça. Des fois, le travail solitaire en équipe, ça va être effectivement, bah tiens, je te commande un contexte, et puis j'ai pas trop le temps de te faire des retours, je te donne une carte blanche. Et du coup, en fait, tu te retrouves à écrire ton contexte ben, tout seul. Et là, c'est marrant parce que finalement, comme le commanditaire, il te fout la paix. Eh ben, tu te retrouves à faire une œuvre d'auteur, quoi. Hein. Ou soit il te fout la paix, ou quand il voit ton travail, il dit amen parce qu'il est trop. Oh là là, mais t'es un génie, tu es le Beethoven du jeu de rôle. Qui suis-je, moi, pauvre commanditaire, pour te demander de modifier le moindre signe de ce travail absolument mirifique? Bon, voilà, les auteurs à qui c'est arrivé se reconnaîtront. Je sais pas s'ils nous écoutent. Et sur l'œuvre de. Voilà, donc t'as la personne peut faire un jeu d'auteur, quoi, dire ah, je veux son solitaire. Sauf que après, elle va se payer un éditeur. Donc l'éditeur, c'est une personne qui fait un travail d'éditeur, sauf l'étape j'avance de l'argent, comment je fais faire les impressions, je distribue. Elle fait le travail avant, qui est de te bah finalement de te critiquer sur ouais enfin non elle fait pas de travail de maquettage non plus, mais tu vas lui livrer ton jeu avant déjà je pense avant la maquette, juste le jeu. Elle va critiquer ton jeu, elle va te dire bah non bah là tu peux faire des améliorations tout ça et puis peut-être après je pense que là où on est encore sur un métier d'éditeur, c'est tu maquettes ton jeu, tu l'illustres, tu lui soumets à nouveau donc le produit fini. Et là, c'est pareil, la personne va dire, bah non, mais bah là, t'as déconné sur les illustrations, c'est tu trahis l'esprit de ton jeu, ceci, cela. Enfin, elle va faire des commentaires. Là, excuse-moi, mais t'as mis 4 colonnes avec 3 encadrés par page, c'est juste absolument immonde à lire, quoi. Et ainsi de suite, quoi. Bon, voilà, on a la notion de relecteur, hein, aussi, comme j'ai dit, les playtesteurs. Hein, pour moi, le playtester, il fait, bah, c'est un peu un mercenaire au service de l'auteur dans sa tour d'ivoire qui lui fait une œuvre d'auteur, alors que le playtester, ben, il est complètement à son service, pauvre petit canard, obligé d'endurer des jeux pas finis, de souffrir, de faire des retours bienveillants mais constructifs. Méchant, mais pas trop, ainsi de suite. Voilà, une personne qui souffre pour la bonne cause, je propose qu'on leur érige une stèle. Donc, quand t'es auteur et que effectivement on te donne une commande dont tu dois t'acquitter, en fait, quelque part, on te propose une contrainte créative, quoi. Genre, bah vas-y, écris-moi un jeu, mais il faut que ce soit motorisé par le DK System. Ou écris-moi un jeu, tu le motorises comme tu veux, mais il faut qu'il y ait des ninjas infirmières télépathes. Ce qui est, je pense, de toute façon, la condition absolument sine qua non pour un bon jeu. Donc, si vous n'en avez pas mis dans vos jeux, eh bien, arrêtez d'écouter ce podcast et retournez à vos chères études, s'il vous plaît. Alors ensuite, on peut remplacer par des télétubbies psioniques que je trouve assez badass également. tu peux t'accommoder de la contrainte, te dire ouais bon bah tant pis, hein, je m'autorise son truc avec le DK, ouais, voilà c'est comme ça quoi. Hein. Ou t'en accommoder d'une autre façon, te dire ouais, eh ben ça m'arrange bien que tu m'imposes de m'autoriser ça par le DK, parce que moi les mécaniques c'est un truc ça me saoule, j'aime pas écrire des mécaniques, moi ce que j'aime c'est écrire du contexte, écrire des conseils de jeu, ok je viens de me faire péter au nez par mon bébé, c'est génial, vous avez de la chance, vous avez pas l'odorama. Ah mon salaud. Ok. Et tu peux, je crois que tu peux faire mieux plus loin, c'est que tu peux épouser la contrainte, te dire. Ok. Tu me proposes de faire jouer des ninjas infirmières télépathes motorisées par le DK. Eh ben écoute, je te prends au mot, je dis chiche. Et c'est-à-dire que là, en fait, tu vas essayer de tirer le meilleur de la contrainte qu'on te propose. C'est-à-dire, attends, qu'est-ce que je peux faire de cool en mélangeant du DK et des non-infirmières télépathes métis télétobies? Et là, je pense qu'on tire le meilleur, à mon avis, de l'œuvre de commande. D'ailleurs, je vous verrai bientôt la souscription chez vos crémières et je pense que vous allez aimer, quoi. Donc pareil, hein, c'est valable pour les scénarios. Hein. Par exemple, il y a des éditeurs comme Les Douze Singes qui publient des recueils de scénarios. C'est motorisé par un D6 système. Donc bon, bah, l'auteur, c'est en plus sur un thème. Bon, mettons, je dis n'importe quoi. Je les ai pas par cœur, hein, les recueils des Douze Singes. Mais mettons, 6 scénarios médiévaux fantastiques. Bon, bah, voilà, hein, les contraintes, c'est pas uniquement sur des gentils. Un exemple qui m'intéresse vachement, il y a un podcast d'ailleurs là-dessus. C'est Magistrat et Manigance. C'est un jeu de rôle de Romain d'Huissier et Macbeth. Et en fait, si on veut, alors c'est marrant parce qu'on a presque une cascade de commandes, puisque c'est Casus Belli qui commande le jeu pour Romain Duvier. Alors c'est pareil, l'historique de la commande, c'est quoi? Je veux dire, il y a un moment, c'est pas parce que va apparaître dans un magazine ou chez un éditeur que c'est le magazine ou l'éditeur qui est à l'initiative en fait du jeu. Magistrat et Manigance, c'est un excellent exemple parce qu'en fait c'est un jeu que Romain Ducier il portait en lui depuis longtemps. Hein. Dans le recueil Jouer avec l'histoire qui commence à dater, je crois que ça fait 10 ans, il en parle déjà en fait. Donc c'est un vieux projet. Donc honnêtement, Casus Belli, je sais pas. Bon c'est vrai, j'ai des mouchards dans leur bureau, je les espionne. Et donc je peux vous dire que il y a de bonnes. Non, j'en sais rien en fait, j'en sais rien du tout. Mais il y a de bonnes chances qu'en fait, ils ont discuté avec Romain sur un salon ou je sais pas quoi, en fumant des gros cigares. Et puis ils vont dire, Romain, écoute, avec toi, je pense qu'on peut dominer le monde. Tu rumines ton projet, la magistrat et Manigance, depuis un bon moment. Je pense que si, banco, on va mettre dans le magazine et là, on va se faire des bourzoufs, ça va être formidable, quoi. Alors, bon, je déconne, hein, parce que je suis fatigué, donc je pense que c'est vraiment le podcast potache. Hein, Romain, j'admire ton travail et bien sûr, ce que je raconte, c'est des grosses bêtises. Hein. Comment? Magistrat et Manigance, c'est vraiment un jeu d'auteur, parce que on a une proposition quand même que je trouve originale, puisqu'on va, en grosso modo, on va émuler les enquêtes du justice. Ouais, c'est moi, je dis franchement, il faut oser, quoi. Il faut oser le proposer, parce que on va être sur de l'historique dur, on va être sur un format d'enquête un peu particulier, tout ça. Même si on l'a un peu vu dans L5R. Mais je pense que les enquêtes des magistrats d'Émeraude et les enquêtes de justice, il y a quand même une grosse différence. Il y a une patte, à mon avis, dans Magistrat et Manigance qu'on ne peut pas retrouver dans L5R. Oui, Victor, on va parler d'un autre jeu. Alors là où j'en viens, c'est que Romain, en fait, Romain Ducier, il va contacter Macbeth, un autre auteur. Et il va lui dire, bah écoute, voilà, c'est ça mon jeu. Mais c'est toi qui vas écrire le système. Alors, c'est pareil, on parle d'œuvres. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe? Ah, Victor, là, Victor, il est en bad. Là, il est au bout de sa vie. Ouais, ce que je veux dire, c'est que Macbeth, en fait, il explique dans un podcast à Radio Rollist comment ils ont procédé. C'est qu'il a fait des propositions de système, dire bah tiens, là j'ai une idée de système proposée par l'Apocalypse. Et donc il lui fait une première copie, et puis Romain, bah, s'il n'est pas satisfait, il lui renvoie sa copie, bah non, ce système-là ça colle pas, il fait une autre proposition, puis une autre, et ainsi de suite, jusqu'à que finalement, arrive à proposer un système bah, dont Romain soit satisfait. Alors bon, c'est peut-être, je suppose que ça s'est pas passé de façon aussi binaire que ça, hein. Mais là, ce qui est intéressant, c'est dans ce cas-là, c'est qu'on a une cascade. Je pense qu'on a une cascade de commandes. Et pourtant, à mon avis, on a une personne qui est vraiment dans une démarche, on va dire, de jeu d'auteur, qui est Romain. Et puis un collaborateur, Macbeth, qui est, on va dire, auteur mercenaire, mais qui est vraiment là à épouser la contrainte, quoi. À vraiment à mettre son talent, ses connaissances ludiques au service d'une contrainte. Et c'est ça aussi que je dis en fait. C'est que les œuvres de commande, si tu veux, enfin les auteurs derrière, c'est des êtres humains, ils ont peut-être X propositions, X projets. S'il y a une personne qui vient aller voir, leur dire bah, je te paye tant de brousouf pour me sortir un jeu, un scénario, tout ça sur tel thème. Si la personne accepte, enfin, il y a quand même de grandes chances que le thème l'intéresse, quoi. Donc, et puis qu'elle se l'approprie. Donc, il y a un moment où tu te dis, finalement, les décisions, elle va être quand même assez libre dans ses décisions créatives, quoi. Du moment que tu vas honorer la commande, enfin, quand tu fais dans le plaisir, dans l'intérêt commun, et puis que tu as en face de toi un commanditaire qui est prêt aussi à ce que tu t'appropries la commande et que tu en fasses un peu ta créature et qui est prêt à dire à se laisser surprendre en fait par ton travail puis à te laisser oser des trucs auxquels il n'aurait pas pensé, eh bien je pense que ouais t'es auteur mercenaire mais je pense que tu fais une œuvre voilà tu fais une œuvre personnelle quand même quoi. Un petit détail, un petit point qui m'amuse, hein, c'est les Open Game License, puis aujourd'hui le SRD, hein, c'est-à-dire des licences qui contiennent, on va dire, la grosse partie mécanique de jeux bien connus. Hein. L'OGL, c'est Donjons et Dragons 3.5, SRD, c'est des Donjons et Dragons 5, et je sais plus ce que je voulais dire sur le sujet. Bon, si, voilà ce que je veux dire. C'est que, il y a des fois, tu vas être auteur, et effectivement, pour le moteur de jeu, en fait, tu veux te baser sur un. Tu veux utiliser un autre moteur de jeu, t'as pas envie de créer le tien, ou t'as envie de prendre un moteur existant et puis le trifouiller. Bon, bah, tu peux prendre une OGL, c'est-à-dire que, de toute façon, la licence, elle est libre, n'importe qui peut le faire, c'est-à-dire que. Il y a des jeux en OGL qui sont sortis par des éditeurs, comme le DK, en fait, est basé sur l'OGL. Et puis, en fait, n'importe qui peut sortir un PDF infâme basé sur l'OGL, quoi. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être un éditeur, d'avoir le moyen de payer une licence pour le faire, quoi. Mais après, je suppose, bon, honnêtement, j'avoue, j'ai pas d'exemple à vous donner, mais je suppose qu'il y a des licences qui sont payantes. Et du coup, ben, si tu veux bosser sur un truc d'une licence, bon, je pense surtout aux licences d'univers, en fait, à la rigueur, plus que les licences de système. J'ai du mal à penser qu'il y ait beaucoup de licences de système qui soient payantes. Je sais pas trop s'il y a un marché pour ça, mais. Bah, t'es auteur, tu veux n'importe quoi. Allez, je vais faire un jeu de rôle Stargate, quoi. Et puis, en fait, la licence Stargate, elle est payante. Et puis, bah, moi, en tant que petit auteur, bah voilà, je n'ai pas les moyens de claquer, je sais pas, 10 000 euros, bon, j'exagère peut-être, 10 000 euros pour avoir la licence Stargate. Ben, du coup, je vais aller voir un éditeur, je dis, bah voilà, j'ai un projet Stargate, il est comme ça, comme ça. Je viens faire appel à vous bah, pour que vous claquez 10 000 brousouf ben, pour avoir la licence, quoi. Voilà, donc si. Ce qui m'intéresse aussi hein, Sur la réappropriation de la commande, je vais donner mon exemple personnel. Bon, je fais pas beaucoup de mercenaires, mais ça m'arrive. Notamment, il y a Batre Noban, l'auteur du jeu de rôle Mantra. Il m'a demandé, en fait, pour un palier de sa souscription pour le jeu Mantra, il m'a dit, s'il te plaît, écris un supplément de contexte qui soit. Qui soit dans l'univers de Milvaud. De toute façon, il ne pouvait pas tellement me demander autre chose dans le sens où moi je stipule que les commandes, maintenant j'accepte les commandes que si c'est pour faire du Milvaud, quoi. Donc je me pose quelque part en consultant dans l'univers de Milvaud qui, je rappelle, est dans le domaine public. Et donc, effectivement, je sais pas si je dis n'importe quoi, prenons un exemple débile, mais supposons que Vivien Féasson, l'auteur de Libreté, il vienne me voir pour dire, bah écoute, écris-moi un contexte pour Libreté. Je lui dirais oui, qu'à une condition, en fait. Si c'est juste un contexte comme ça, je lui dirais non, j'adore son jeu, mais j'ai juste pas le temps de me disperser sur des trucs qui sont pas mes obsessions principales. S'il me dit, bah écoute, écris-moi un contexte pour Libreté. Donc Libreté, c'est un jeu où on joue des enfants dans un monde un peu post-apo, avec des démons, bon, pour faire simple, et il pleut tout le temps. S'il me dit, écris-moi un contexte qui soit un crossover avec Milvaud, bah là, écoute, si j'ai le temps, le truc débile, on n'a plus le temps. Si j'ai le temps, je lui dirais, ouais, ok, Banco, effectivement, à faire un crossover Milvaud-Libreté. Donc c'est ce qui est arrivé avec Mantra. Et là où j'ai débordé la commande, et je remercie encore Batronoman de m'avoir laissé un peu carte grise, quoi, c'est que, bah, au début, c'était juste un supplément, donc j'avais juste à écrire du contexte, quoi. Et puis, j'ai eu envie de faire autre chose, quoi. C'est-à-dire que je lui ai dit, ouais, effectivement, je pourrais écrire un. Donc, Mantra, c'est du multivers. Je pourrais dire, bah, on fait comment on fait un petit supplément qui décrit Milvaud comme étant un des univers du multivers Mantra. Et puis, basta. Avec juste du contexte, aucune mécanique, tout ça. Et puis, je lui ai dit, bah non, j'ai plus sympa. Moi, ce que je te propose, c'est une hybridation des mythologies des deux jeux, quoi. Je te propose d'expliquer comment on peut faire pour vraiment faire interagir à fond. Par exemple, ce que j'ai proposé, c'est que la forêt de Milvaud, en fait, elle envahissait tous les univers de Mantra, quoi. Et inversement, les dieux qu'il y avait dans Mantra, ils étaient très largement présents dans Milvaud. Il y a des trucs métaphysiques de Mantra, par exemple, comme le pétrole, comme le fait qu'il y ait des fragments de l'âme du dieu premier qui soient un peu partout, sous forme de perles de conscience. Et ben bref, l'économie, la métaphysique de Mantra, je l'ai ramené dans Milvaud. On a vraiment fait, voilà, un mix des deux. J'ai fait un système, du coup, plus qu'un supplément, en fait, j'en ai fait un jeu qui peut carrément être joué de façon autonome. Mais si tu veux, le système, c'est un hybride entre le système de Mantra et puis mes propres systèmes à moi, quoi. Donc, franchement, sur. Et Batronoban, bon, les petites corrections, petits rappels à l'ordre qu'il m'a fait, c'était par exemple me dire, bah là, je trouve que c'est bien, il y a du niveau, il y en a largement assez, c'est cool, mais peut-être qu'il faudrait un peu plus de mantra à tel endroit, enfin, sans me dire exactement tel endroit, mais mets-moi un petit peu plus de mantra par-ci, par-là, donc c'est ce que j'ai fait, j'ai rajouté des touches, et je pense qu'il a eu raison, hein, pour vraiment bien fusionner les deux mythologies, quoi. Et puis il m'a dit aussi, bon désolé Batronoban, ça se trouve je suis pas cool en dévoilant un petit peu notre popote interne. Bon j'espère que tu me pardonneras, je te fais des bisous. C'est qu'il m'a dit, enfin, je crois qu'au départ on s'était mis d'accord sur, enfin il me dit bon bah je sais plus, tu fais 20 000 signes quoi, hein, classiquement dans les commandes on te précise le signage. Puis à un moment il m'a dit, mais non, en fait lâche-toi, fais le signage que tu veux quoi. S'il y a besoin de 3 fois plus, eh ben, tu fais 3 fois plus, quoi. Alors, quand un commanditaire vous dit ça, je sais pas si ça arrive souvent, mais s'il vous dit ça, évidemment, c'est à vous d'évaluer si comment cette liberté, cette bride sur le cou qui vous laisse, c'est une bonne ou une mauvaise chose. Là, j'ai présenté les aspects vertueux. Les aspects moins vertueux, ça pourrait être. Bah en fait, si le commanditaire il te paye tant et que finalement il te dit ouais, mais en fait tu peux écrire 15 fois plus de signes, ben tu vas te retrouver à bosser alors que si tu avais respecté le signage, tu aurais bossé 2 jours et en fait tu te retrouves à bosser un mois pour le même prix. Bon, après c'est pareil, hein, en tant qu'auteur, t'es grand, hein. Je veux dire, y a un moment tu peux dire au commanditaire, bah écoute, le postulat de base c'était tant de signes, si tu me dis de ouais, ok, je veux bien faire plus si tu veux, mais peut-être que je vais demander davantage. Ça, c'est à toi. Après, c'est à toi de voir, quoi. Hein. Y a une chose qui est vraiment importante, hein, c'est que les auteurs de commandes, c'est pas des esclaves. Hein. Enfin, après, bon, il y a peut-être des auteurs qui se laissent, comment dire, je pense, ça peut arriver effectivement que tu te retrouves prisonnier d'une œuvre de commande. On te fait une commande et puis soit finalement au fur et à mesure le contrat il est hors négocié tout le temps sur le contenu, sur le signage, sur plein de choses. Et puis toi, t'oses pas, comme t'as dit oui au départ, t'oses pas dire non une fois que les conditions ont changé, et du coup tu te retrouves à souffrir sur la commande alors qu'au départ c'était cool. Donc et puis donc là, soit et puis t'as 2 choix qui s'offrent à toi en fait, c'est enfin 3, hein, c'est bah tu te mets au clair avec le commanditaire, tu te dis bah non, je suis désolé, mais il y a un moment, moi, faut que je sache où je vais. La commande de départ, c'est comme ça, et il faut qu'on s'y tienne, parce que sinon, c'est jamais fini, hein, parce qu'en plus, tu peux être dans un cycle où, du coup, le gars il dit, ouais, bah non, ce serait bien que tu fasses comme, que tu changes, fais comme ça. Ok, pas de problème, j'envoie ma copie. Et puis finalement, 10 copies plus tard, il y a toujours des changements à faire, quoi. Donc, faut se mettre d'accord sur jusqu'à quel point on modifie, quoi. L'autre truc, c'est bah il y a des fois, il faut dire bah écoute désolé, vu les nouvelles conditions, bah, je considère qu'on est quitte. Donc je fais en quelque sorte une rupture de contrat. Hein, donc bah voilà, écoute ce que je t'ai préparé, bah, soit tu me payes et puis tu gardes ce que je t'ai préparé, bah soit tu me payes pas et tric trac, je remets mon histoire dans le sac, hein, et puis voilà, on repart comme ça. Bon bah après c'est compliqué, c'est chiant, hein, parce que les deux parties ont perdu du temps, hein, ça peut générer des déceptions, des frustrations. Mais ceci dit, ça reste la meilleure chose à faire, mettre fin à une collaboration, si en fait ça fait que après envenimer les rapports humains entre les personnes, tout ça. Bon, puis l'autre solution, c'est bon, bah écoute, tu fais l'œuvre, tu fais la commande, tu l'as fait avec sincérité, du mieux que tu peux, tu souffres peut-être un petit peu, quoi, et puis bah, une fois que la commande est faite, eh bien, quand la personne elle te redemande à nouveau, soit tu lui dis bah non, c'est fini, écoute, là on a bossé ensemble, c'était cool, mais je m'envole vers de nouveaux horizons. Ou alors t'es hyper ferme, enfin t'expliques, tu remets à plat tous les problèmes qu'il y a eu sur le précédent collaboration, et puis on repart, tu dis bah là faut qu'on repart sur de bonnes bases où on se dit vraiment plus les choses, quoi. Oui, donc là en fait on a vachement parlé, si tu veux, des œuvres qui sont commandées en fait par une tierce personne où c'est vraiment explicite, c'est je te paye ou je te paye pas, hein, d'ailleurs, hein, je veux dire. Tu peux très bien avoir écrit, fait une commande pour un magazine bénévole, tout ça. Bon, bah, le contrat il est clair, hein, c'est bénévole. Hein, même si le magazine t'a peut-être dit, j'aurais que tu fasses un article sur tel sujet, ceci. Il y a en fait des fois, on peut parler de commande quand tu vas faire un jeu pour suivre une demande du public. Bon alors ceci dit, je sais pas, moi en tout cas ça m'arrive pas, mais je sais pas s'il y a beaucoup de publics qui vont carrément écrire des lettres à l'auteur pour dire ouais, il faut absolument que tu fasses un jeu sur les Teletubbies albinos de la Lune, quoi. Je veux dire, je vois pas comment t'y as pas pensé avant, et franchement si tu sors pas ce jeu dans un an, je serai tristesse. Par contre, ce qui à mon avis peut être plus fréquent, c'est que l'auteur il va suivre un zeitgeist. C'est se dire, bah effectivement, ça se voit que les Pokémon, ils sont vachement à la mode, et donc il faut absolument que j'écrive un jeu avec des Pokémon qui se battent avec des haches à deux mains rotatives, parce que ça va banquer, Maurice. Alors ça va banquer, honnêtement, je suis pas persuadé qu'il y ait beaucoup d'auteurs dans le milieu jeu de rôle francophone qui soient motivés par l'argent. Parce que vu le rapport temps passé sur revenus, la plupart ils font ça par passion. Alors on peut s'en désoler, on peut au contraire s'en extasier, mais c'est une notion qu'il faut retenir, quoi. Le coup de je fais un truc mercantile pour vendre plein d'exemplaires. Ouais, enfin après des fois ça arrive d'être mercantile alors même que les sommes à gagner sont dérisoires, quoi. Juste parce que tu as intégré que effectivement il fallait brosser le public dans le sens du poil pour gagner de l'argent, tu fais ça, et puis tu vas gagner 200 euros sur ton jeu, quoi. Bon bah c'est cool. Et puis ça va te tu vas être satisfait en disant que tu as réussi à effectivement honorer un Zeitgeist. Et puis t'auras sorti du revenu là-dessus, mais après, est-ce que t'as vraiment gagné ta croûte, c'est une autre question. Le Zeitgeist, des fois, c'est quasiment quelque chose de statistique, hein. C'est-à-dire qu'on a des auteurs, des éditeurs qui sont quand même souvent en convention, qui sont en contact avec tout un tas de gens directs, qui suivent les forums, et donc qui sentent qu'est-ce qui est hype en ce moment, quoi. Alors des fois, on veut dire que ce que demande le public, c'est tout sauf la hype, c'est plutôt des bons gros classiques. Bon, moi, ce que je pense que le mieux, c'est faire du bon gros classique, mais avec des Teletubbies albinos, quoi, pour quand même apporter la touche d'originalité. Et puis bon, si tu peux motoriser par l'apocalypse, là, t'es vraiment, je pense que t'es le roi du pétrole. On va dire l'exergue du jeu motorisé par la demande du public, ça va être le crowdfunding, quoi, où quelque part c'est acté que le jeu final il ressemblera à ce que le public aura demandé par son financement, quoi, hein. On est un peu dans une démarche acheter, c'est voter, quoi. C'est-à-dire que vous payez en tant que public, c'est vous votez pour une certaine forme de jeu. Mais après, on pourra dire, ouais, mais bon, quand tu vois une souscription, c'est quand même très drivé. C'est très drivé par le collectif qui fait la souscription. C'est-à-dire, on te propose des paliers. Voilà, si vous mettez 1000 brousouf, il y aura juste le jeu de base. Si vous mettez 2000 brousouf, on rajoute des ninjas transsexuels. Et ainsi de suite. Donc au final, t'as juste en tant que public validé le programme que te propose l'auteur. C'est juste qu'effectivement, si tu mets pas assez, le jeu il sera moins gros, moins riche, il y aura moins de sacoches, de sacoches en cuir et de badges, et il y aura moins de PNJ financés par les souscripteurs. Mais bon, grosso modo, c'est l'auteur qui a suivi un programme. Donc après, l'auteur, c'est à lui de voir si il fait son programme de souscription. Qui fait un programme d'auteur, c'est-à-dire que vraiment, il propose en palier des choses qui lui paraissent essentielles, personnelles, sincères par rapport à sa démarche. Ou alors l'autre option, ça peut être que le palier de base, c'est vraiment le jeu, quoi, vraiment le noyau dur de sa vision d'auteur. Et puis les paliers supplémentaires, c'est des trucs un peu plus entre guillemets pour faire plaisir au public. Du genre, bon bah voilà, si vous mettez 1000 brousouf de plus, il y aura une couverture cartonnée. Bon, moi en tant qu'auteur, je m'en fous un peu de la couverture cartonnée, mais bon voilà, si vous avez envie de payer, après tout, bah libre à vous, quoi. En fait, il y a une notion pour l'auteur de qu'est-ce qui est ton sacré? C'est-à-dire, qu'est-ce qui constitue dans le jeu ta vision personnelle et que tu veux absolument conserver pour rester, pour dire, voilà, je garde la tête haute, voilà, je suis un vrai auteur, je suis pas vendu au grand capital. Et qu'est-ce qui te paraît en fait de l'accessoire, et qui du coup peut largement être soumis au bon vouloir d'un public, d'une commande. Et donc, il y en a pour qui l'accessoire, ça va être les illustrations, il y en a pour qui l'accessoire, ça va être les scénarios. Il y en a pour qui l'accessoire, ça va être une grille de PNJ supplémentaire, ainsi de suite. Hein. Chacun voit midi à sa porte, chacun chacune. Et on peut avoir là. Comment? Si, comment le, la démarche complètement inverse du jeu de l'œuvre de commande qui est. Non, moi je suis dans ma tour d'ivoire et j'ignore absolument les demandes du public. C'est-à-dire qu'effectivement, pour garder mon indépendance d'esprit, pour garder les choix créatifs un maximum, eh ben, je m'en fous de ce que le public il attend. Alors, tu fais ça soit parce que tu prends le public, entre guillemets, pour des idiots qui veulent que des choses classiques, et mais dont toi t'es trop original, pour leur proposer la soupe qu'ils te demandent à tout prix, et donc tu vas leur montrer la lumière. Ou il y a une approche différente qui est toujours d'ignorer les demandes du public, bon, pour deux autres raisons. La première, c'est de se dire, bah en fait. Le public, il peut très bien ignorer l'éventail de ce que je suis capable de faire, et du coup, ce qu'il aura tendance à me demander, c'est faire un peu ce qu'il connaît de moi. Je vais prendre mon exemple personnel. Bon, c'est pareil, personne m'envoie des mails pour dire il faut absolument que tu fasses un jeu mille voix avec des Teletubbies forestiers couverts de qui lancent des champignons explosifs. Enfin, pour tout dire, j'ai eu ce genre de proposition, mais dans le sens, moi j'aimerais bien écrire un millevo comme ça, est-ce que tu veux m'aider? Donc peut-être que vous verrez un jour, effectivement, ce jeu. En tout cas, moi, ça y est, je pense que je vais y mettre tout de suite, là, je coupe ce podcast et je vais l'écrire. L'autre, ouais, ce que je veux dire, c'est que j'ai quand même, dans l'univers de millevo, Forestier de millevo, j'ai quand même sorti surtout des trucs trash. Et donc je pense que le public, ce qui m'attend à voir les prochains jeux et les trucs que je pourrais sortir dans l'univers de Milvaux, à mon avis, s'attendait à ce que je sorte des trucs trash. Sauf que mon cerveau malade s'est dit, ah bah non, tiens, j'ai envie de faire du Milvaux kawaii. Et donc là, je suis en train de développer Marchebranche, où c'est du Milvaux, en plus c'est décalé dans du médiéval fantastique, enfin médiéval poétique. Grosso modo, je suis en train de faire mon rêve de dragon Milvaux, quoi, mélangé avec Miyazaki, tout ça. Je suis à peu près sûr que personne m'attendait sur ce terrain, quoi. Et pourtant, quand je vais en convention, tout ça, eh bien, je vois qu'il y a un accueil positif pour ce jeu, quoi. C'est-à-dire que bah, le public il est surpris parce qu'il se disait pas, mais attends, Thomas Meunier, c'est pas le mec qui fait des trucs avec des tentacules, sludgecore, de la bouillasse, des boyaux. Bah ouais, bah sauf qu'il est peut-être capable de faire autre chose. Des fois, bah, le Thomas Meunier, des fois ses envies elles changent. Et puis bah écoute, ma foi. Tu nous fais du salé tout le temps, là, ouais, tiens, tu t'es tenté sur du sucré, bah écoute, c'est pas si pire. Donc on va peut-être adhérer, quoi. Ignorer les demandes du public, tu peux faire ça aussi dans l'idée de toute façon, j'arriverai pas à écrire ou je vais souffrir à écrire si j'écris autre chose que ce qui me fait plaisir, quoi. Donc c'est la notion toute bête de suivre bah, son plaisir, quoi. Donc bah, sur Marchebranche, voilà. Ça me faisait plaisir d'écrire Marchebranche. Donc je me suis pas posé la question de savoir si ça allait intéresser quelqu'un. Surtout qu'en plus je pense que le public idéal, c'est une personne. C'est-à-dire s'il y a une personne dans l'univers qui apprécie Marchebranche. Bon, elle jouera en solo. Mais voilà, c'est que ça valait le coup de le faire. Puis à la rigueur, bah, y a, de toute façon, y a une personne au moins hein, qui aime Marchebranche, bah, c'est moi. Donc voilà, cette démarche de plaisir, bah, je la trouve ultra saine. Bah, Fabien Ilvine, il en parle souvent, hein, de cette idée de bosser pour se faire plaisir, quoi, hein, de suivre effectivement le plaisir. Et peut-être des fois aussi de se dire de ne pas bosser, quoi. Voilà, il y a là en ce moment, il n'y a rien qui me fait plaisir. Écrire du jeu, c'est que de la souffrance pour moi. J'ai besoin de faire un break et tout. Là, je le fais quoi. Hein. Et ça aussi, c'est peut-être une démarche d'auteur. De un moment se dire, bah écoute, là en ce moment, j'ai rien à dire en JDR qui me fasse vibrer. Et du coup, je recharge mes batteries. Bah, pour revenir au sur Fabien Invine, La Saveur du Ciel, donc c'est un jeu qu'il a fait. C'est La Saveur du Ciel, c'est un jeu où on joue grosso modo deux cuistots qui se font un gros kiff avec de la bouffe. Et je pense, Fabien nous explique que c'est venu de discussions qu'il avait avec Christophe Buckley où il parlait de bouffe. Et puis, puis je pense qu'il parlait aussi de ouais, le jeu de rôle, c'est un média où tu peux tout faire, tu fais pas uniquement des combats contre des dragons ou des Teletubbies dragons. Tu peux faire tout ce que tu veux, sky is the limit. Et en fait, Christophe Buckley, en fait, j'ai aussi posé des micros en Suisse, donc j'espionne Christophe Buckley. Voilà, moi je veux dire, il faut mettre des mouchards partout, et je pense que c'est avec la leur enseignement, ça me paraît la meilleure chose à faire. Et donc Christophe Buckley lui a dit, mais chiche, Fabien, fais donc nous un jeu qui parle de thématique originale. Ah bah tiens, bah, puisqu'on parle de bouffe, pas cap, hein, pas cap de, je dis pas cap, de faire un jeu sur la bouffe. Et du coup, bah, Fabien, il l'a pris au mot. Et voilà, il a sorti La Saveur du Ciel. Après, tu peux dire, c'est quoi alors, La Saveur du Ciel? C'est un travail de commande ou c'est un travail d'auteur? C'est une question vachement intéressante, quoi. Je pense qu'il y a un peu des deux, quoi. Il y a comment le podcast de Romaric sur la cellule, là, les éditeurs sont-ils méchants? Alors, il nuance plein de trucs en fait, hein, puisque justement la conclusion du podcast, c'est pu dire non, les éditeurs sont pas si méchants, ou en tout cas ceux qui sont méchants, ils n'étaient pas au micro, ils n'étaient pas au micro de la cellule ce jour-là, ils étaient ailleurs en train de comploter pour dominer le monde. Quand on commence à réfléchir dans l'idée que les auteurs qui sont édités, c'est des auteurs qui ont cédé trop de leurs décisions créatives à une tierce personne et qui du coup ne sont pas sincères, je pense qu'on pourrait imaginer l'auteur triste, amer, souffrant en fait sur son travail, quoi. Honnêtement, vu l'investissement de temps que ça demande, vu la passion, tout ça. Mon opinion personnelle, c'est que la plupart des auteurs, ils écrivent pour le plaisir, et si ça leur fait pas plaisir, ben, ils acceptent pas la commande. Alors bon, j'ai cité plein de cas où effectivement, des fois, la commande, on l'accepte, mais c'est un pensum, c'est une corvée. Mais je pense que c'est pas fréquent. Sur on va dire, la totalité des auteurs édités, quoi. Et c'est surtout, j'ose espérer, pas fréquent pour un même auteur dans le temps, quoi. C'est-à-dire que tu as un auteur mercenaire, effectivement, il y aura peut-être deux, trois collaborations, ça va mal se passer, du coup, il va peiner dessus. Mais j'espérais que dans la globalité, eh bien, il y aura au moins 80% des boulots de commande qui va sortir. Ouais, il sera dit, là, je me suis fait plaisir, je suis vraiment content d'avoir bossé avec cette personne, sur ce thème, tout ça. Du coup, de travail d'équipe et compagnie, quoi. Hop. Ouais, je reviens sur le playtest. Juste un petit truc, hein, je disais que les playtesteurs, c'était aussi ils faisaient aussi des. Quelque part, ils répondaient aussi à une commande. Alors, c'est vrai, c'est faux. Moi, quand même, les play. Enfin. C'est pas. Personnellement, ça m'est, je crois, jamais arrivé. Enfin, ou si. On va dire rarement arrivé. De contacter une personne, puis dire. J'ai besoin que tu playtestes mon jeu parce que tu as les compétences, la vision, le vécu pour m'apporter une analyse qui va m'aider. Généralement, comment je fais? Je vais sur l'auberge virtuelle, je dis bon bah voilà, je playteste tel jeu, qui n'en veut. Ou alors je vais en convention et c'est pareil, je vais présenter une démo de tel jeu. Et puis, donc les personnes qui viennent sont volontaires, donc c'est pareil, on a quand même cette notion de plaisir aussi. Hein. Mais tu vois, il y a Romaric Briand dans les premiers podcasts sur Sens, à chaque fois qu'il présentait les autres membres de la cellule, qui étaient en fait en grande majorité ces playtesteurs, quoi, ils appelaient les créateurs de Sens Hexalogie, quoi. C'est quand même des gens qui avaient tellement contribué par leur jeu, par leur retour, tout ça, au jeu, qu'il estimait que Ah là, ils étaient vraiment part intégrante des auteurs, quoi. Et c'est marrant parce que tu vois, Romaric Briand, c'est quand même une personne qui défend le jeu de rôle d'auteur, le jeu de rôle indépendant, mais en même temps, il t'explique que sans Sexalogie, qui est censé être un peu la pierre angulaire de sa démarche sur l'indépendance, bah en fait, c'est un jeu d'équipe. Et c'est cool. Donc, ce que je vous espérais à travers ce podcast plein de vannes et de couches culottes, c'est vous avoir démontré en fait que ce qui fait qu'une œuvre est une œuvre de commande ou une œuvre d'auteur, ça a finalement peut-être pas grand-chose à voir avec le fait que c'est une œuvre indépendante ou une œuvre éditée, quoi. En plus de ça, la notion d'indépendance, je rappelle l'exemple par exemple de Brand qui se qualifiait lui-même et le Grumpf de farouchement indépendant alors que c'est un auteur mercenaire, quoi. Bah, il a ses propres projets, hein, mais il y a Guts qui devrait sortir édité par lui-même, quoi. Mais jusqu'à présent, il a quand même fait surtout du mercenariat dans le sens où il était édité ailleurs. Il n'y a pas en fait, c'est pas tout blanc ou tout noir, quoi. C'est très difficile de dire tel auteur il est indépendant, tel autre il est édité. À la cellule, ils ont tendance à dire qu'il faut pas regarder l'auteur, mais il faut regarder le livre, dire tel livre est indépendant, tel livre est édité. Et là, c'est pareil, ça veut pas dire grand-chose, quoi. Enfin, les cas où vraiment. Les cas où tu peux. Il y a un seul auteur indépendant sur toute la ligne qui a fait bosser personne, je veux dire, qui a employé aucun playtester, aucun relecteur, qui n'est pas allé non plus voir un imprimeur. Enfin, bon, si tu peux imprimer tes trucs à la maison, c'est ultra limité. Hein, mais moi qui défends le jeu de rôle artisanal fait avec mes grosses paluches dans ma cave, en fait, je fais bosser des gens, quoi. Hein. J'ai des illustrateurs, j'ai des lecteurs, des playtesteurs, je fais bosser l'imprimeur Lulu et compagnie, quoi. Mes livres, est-ce qu'ils sont indépendants alors qu'ils ont un ISBN tu vois, on peut estimer que Lulu, c'est l'éditeur. Donc l'indépendance, c'est pas tout blanc ou tout noir, c'est un continuum, on peut dire. T'es plus ou moins indépendant ou plus ou moins dépendant, quoi. Je pense qu'une fois qu'on a intégré ça, on peut avoir un débat un peu moins passionné, un peu moins houleux sur le sujet, un peu plus apaisé, quoi. Je renverrai aussi un article que j'avais écrit qui s'appelait L'individuel et le collectif, où en fait, c'est bien d'interroger la notion d'œuvre de commande et d'œuvre d'auteur. Et c'est aussi également bien de prendre ça, de découper la patate sous un autre angle et d'interroger la notion de est-ce que je veux que mon jeu, ça soit une œuvre individuelle ou une œuvre collective. Et c'est une autre grille d'analyse, quoi. Il n'y a aucun modèle, bien sûr, qui est le meilleur dans l'absolu. C'est vraiment valable, c'est vraiment à chacun de voir midi à sa porte. C'est une notion de désir, d'effectivement de est-ce que tu veux bosser en solo ou est-ce qu'au contraire tu t'épanouis dans le travail d'équipe. C'est une notion des fois de finance, dans le genre voilà, moi j'ai mon œuvre, mais je veux pas payer un imprimeur, donc j'ai besoin d'un éditeur qui avance l'argent ou qui fasse à ma place l'effort de faire une souscription pour collecter la trésorerie. Parce qu'en plus, même tu diras, ouais, mais tu peux faire du coup, tu fais la souscription toi-même. L'éditeur, il sert à rien, il prend pas de risque financier. Sauf que c'est faux. Il prend des risques réputationnels quand même pour toi. Dans le sens où, mettons, comment moi je suis un auteur pas hyper connu, quoi. Parce que dans le milieu, faut quand même pas se leurrer. Il y a quelques auteurs qui effectivement ont un gros nom et qui vont, entre guillemets, vendre sur leur nom. Mais la plupart des jeux, ils se vendent plutôt, enfin ils se vendent, ils intéressent les gens, soit pour un univers. Dans ces cas-là, il faut avoir une machine, un univers ou une ambiance. Dans ces cas-là, il faut une machine de communication juste pour que le public ait connaissance de l'existence du jeu et par exemple puisse souscrire. financer. Et donc là, tu auras peut-être besoin de la machine de communication d'éditeur qui, toi, tu n'es pas très connu, lui, il est connu. Et donc, évidemment, quand il met sur sa page Facebook qu'il lance une souscription, ça a beaucoup plus d'impact que si tu la mets sur la tienne, quoi. Et donc voilà, l'éditeur, il engage sa réputation à ta place, quoi. Donc tu vas t'appuyer sur son nom, en fait, pour que ton jeu, il ait un avenir, il existe. Donc voilà, il n'y a pas de gentil et de méchant, hein, dans l'histoire, hein. Ah si, il y a des gentils et des méchants, mais c'est jamais parce que c'est une situation particulière. C'est pas juste en regardant le rapport de force et la distribution des tâches que tu vas savoir si on est dans une relation abusive, en fait. Voilà, tout comme effectivement, là, l'exemple que je vous donne de l'auteur qui va voir l'éditeur juste parce que il a besoin, en fait, de la réputation de l'éditeur pour que son jeu il existe. Il peut quand même, finalement, peut-être que le dominant dans l'histoire, c'est peut-être l'auteur, quoi. C'est lui qui amène le thème, tout ça, machin, qui amène le jeu. Et puis l'éditeur, bon, finalement, la partie créative, il s'en occupe pas des masses, quoi. Hein. Et il y a des fois, il y a une notion de. Faut aussi voir ça sous l'angle des compétences, quoi. Hein. Oh là là, en fait, Victor, il déteste qu'on lui mette des pulls. Alors, je vais lui mettre le pull quand on aura fini le podcast, ça va être plus simple. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire? La notion de compétence. T'es auteur, tu sais écrire du jeu, mais tu sais pas maqueter. Et honnêtement, moi je veux dire par exemple, mes jeux, j'ai maquette sous Word. La version illustrée, j'ai maquette sous GIMP. Je pense que ça ferait hurler absolument la totalité des gens qui ont de vagues notions en typographie, en maquettage, tout ça. Tout le monde dit, vas-y, mets-toi sur InDesign, tout ça. Bon, je les emmerde. je les emmerde, je fais comme je sais faire, comme j'aime. Et puis, mais ceci dit, ça produit un résultat qui me ressemble, c'est-à-dire que c'est foutraque. Et puis, c'est cool, quoi. C'est cool pour ça. Mais ceci dit, je peux aussi comprendre complètement l'auteur qui effectivement dit ouais, non, mais moi, le maquettage, ça me broute, j'y connais rien, je sais juste faire des documents Word tout dégueulasses, donc j'ai besoin d'un éditeur qui va aller chercher un maquettiste. Alors on va me dire, ah ouais, mais dans ces cas-là, en tant qu'auteur, t'as qu'à aller chercher le maquettiste tout seul. Bah oui, mais ça dépend parce que le réseautage, c'est aussi une compétence, c'est-à-dire que bah ouais, mais bon, des maquettistes, bah t'en connais pas forcément. Et puis aussi, bon, ainsi de suite, quoi. Et puis pour finir, on a la notion de temps. C'est que ce qui est complètement vrai, c'est que peut-être qu'en tant qu'auteur, ce qui t'intéresse, effectivement, c'est tu fais ton univers, ton contexte, ton texte, tu fais ton maquettage Word, et en fait, t'as satisfait ta pulsion créative, t'as dit ce que t'avais à dire. Et le reste, maquettage, illustration, distribution, tout ça, t'as pas le temps et t'as pas envie de t'en occuper. Pour toi, c'est peut-être même que pour toi, c'est pas de la création. Alors du coup, il faut aller trouver des personnes pour qui c'est encore du plaisir, c'est de la création, elles ont le temps, elles ont les compétences pour s'en occuper. Voilà, et ben dans ces cas-là, est-ce que t'as fait une œuvre de commande, est-ce que t'as fait une œuvre d'auteur? Je pense que la réponse, c'est un petit peu le mot de la fin dans toute cette histoire. Bah, la réponse, c'est dans le plaisir que tu as pris. Voilà, et c'est tout ce que je vous souhaite. Tapez-vous des gros kiffs. Allez, salut! Ouais, je dis salut, mais ça continue à streamer, évidemment, parce que je suis à l'autre bout. Voilà, le vieux faux départ des familles. Voilà, c'est vraiment fini.